Chapitre 90e. Désenchantement. Jean, furieux de cette sortie pleine de provocations, fit deux pas derrière le baron, puis haussa les épaules en revenant au maréchal. « Vous recevez cela chez vous ? » dit-il. « Eh, mon cher, vous vous trompez. Je chasse cela, au contraire. Vous savez ce que c'est que ce monsieur ? Hélas, oui. Non, mais vous savez bien, c'est un tavernet. C'est un monsieur qui veut mettre sa fille dans le lit du roi. Allons donc. » Un monsieur qui veut nous supplanter et qui prend tous les chemins pour cela. Oui, mais Jean est là, j'en vois clair. Vous croyez qu'il veut? C'est bien difficile à voir, n'est-ce pas? Parti dauphin, mon cher. Il en a son petit tueur. Bon. On a un jeune homme tout dressé à mordre les mollets des gens, un bretteur qui donne des coups d'épée dans l'épaule de Jean, de ce pauvre Jean. À vous? C'est un ennemi personnel à vous, mon cher vicomte? Dit Richelieu, jouant à la surprise. Eh oui! C'est mon adversaire de l'affaire du relais, vous savez. Ah, mais voyez la sympathie, j'ignorais cela. Je l'ai débouté de toutes mes demandes. Seulement, je l'eusse non pas évincé, mais chassé, si j'avais su. Soyez tranquille, vicomte. À présent, voilà ce digne bretteur sous ma coupe, et il s'en apercevra. Oui, vous pouvez lui faire perdre le goût des attaques sur le grand chemin. Car enfin, voyons, je ne vous ai pas encore fait mon compliment. Mais oui, vicomte, il paraît que c'est définitivement fini. Oh, tout à fait. Voulez-vous que je vous embrasse? De grand cœur. Ma foi, on a eu du mal. Mais le mal n'est rien quand on réussit. Vous êtes content, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous parle franc? Oui, car je crois que je pourrais être utile. N'en doutez pas. Mais c'est un fier coup. On va hurler. Est-ce que je ne suis pas aimé dans le public? Vous? Mais il n'y a ni pour ni contre, c'est lui qui est exécré. Lui? Dit Richelieu avec surprise. Qui, lui? Sans doute, interrompit Jean. Oh, les parlements vont s'insurger. C'est une répétition du fouet de Louis XIV. Ils sont flagellés, ducs, ils le sont. Expliquez-moi. Mais cela s'explique de soi par la haine des parlements pour l'auteur de ces persécutions. Ah, vous croyez que... J'en suis certain, comme toute la France. C'est égal, duc. Vous avez merveilleusement bien fait de le faire venir comme tout cela au chaud. Qui, mais qui donc, vicomte? Je suis sur les épines, je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. « Mais je vous parle de Monsieur d'Aiguillon, de votre neveu. »« Eh bien, après ?»« Eh bien, je vous dis que vous avez bien fait de le faire venir. »« Hein ? Très bien, très bien. »« Il m'aidera, voulez-vous dire ?»« Il nous aidera tous. »« Vous savez qu'il est au mieux avec Jeannette ?»« Bon, vraiment ?»« Au mieux. »« Ils ont causé déjà et s'entendent à merveille, je parie. »« Vous savez cela ?»« C'est bien facile. »« Jeannette est la plus paresseuse dormeuse qui soit. »« Ah oui. »« Et elle ne quitte pas le lit avant 9, 10 ou 11 heures. »« Oui, eh bien ?» Eh bien, ce matin, à Lucienne, il était 6 heures au plus, j'ai vu partir la chaise d'Aiguillon. À 6 heures ? S'écria Richelieu, en souriant. Oui. Du matin ? Ce matin ? Du matin, ce matin. Vous jugez que, pour être aussi matineuse que d'avoir donné audience à pareille heure, Jeannette doit être folle de votre neveu. Oui, oui, continua Richelieu en se frottant les mains. À 6 heures. Bravo, d'Aiguillon. Il faut que l'audience ait commencé à 5 heures. La nuit. C'est miraculeux. C'est miraculeux, répéta le maréchal. Miraculeux en effet, mon cher Jean. Et vous voilà tous trois comme Oreste, Pylade et encore un autre Pylade. À ce moment, et lorsque le maréchal se frottait le plus joyeusement les mains, d'Aiguillon entra dans le salon. Le neveu salua l'oncle d'un air de condoléance qui suffit à Richelieu, sinon, pour comprendre toute la vérité, du moins, pour en deviner la meilleure partie. Il pâlit comme s'il eût reçu une blessure mortelle. L'idée lui vint tout de suite qu'à la cour il n'y a ni amis ni parents et que chacun prend son avantage. « J'ai été un grand sot, » se dit-il. « Eh bien, d'Aiguillon, » fit-il en étouffant un gros soupir. « Eh bien, monsieur le maréchal, c'est un fier coup pour les parlements, » dit Richelieu en reprenant toutes les paroles de Jean. D'Aiguillon rougit. « Vous savez, » dit-il. « Monsieur le vicomte m'a tout appris, » répliqua Richelieu. « Même votre visite à Lucienne. » Votre nomination est un triomphe pour ma famille. Croyez bien, monsieur le maréchal, à tout mon regret. Que diable dit-il là ? Fit Jean qui croisait les bras. Nous nous entendons. C'est différent, mais moi je ne vous comprends pas. Des regrets ? Ah mais oui, parce qu'il ne sera pas reconnu ministre tout de suite. Oui, oui, très bien. Ah, il y aura un intérim. Fit le maréchal qui sentit au fond de son cœur rentrer l'espoir. Un intérim, oui, monsieur le maréchal. « Mais en attendant, s'écria Jean, il est assez payé comme cela. Le plus beau commandement de Versailles. »« Ah ? fit Richelieu percé d'une nouvelle blessure. « Il y a un commandement ?»« Monsieur du Barry exagère peut-être un peu, » dit le duc d'Aiguillon. « Mais enfin, qu'est-ce que ce commandement ?»« Les chevaux légers du roi. » Richelieu sentit encore la pâleur envahir ses joues ridées. « Oh oui !» dit-il avec un sourire dont rien ne saurait rendre l'expression. « Oui, mais c'est bien peu de chose pour un homme aussi charmant. »« Mais que voulez-vous, duc ? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. » Fut-elle la maîtresse du roi ? Ce fut au tour de d'Aiguillon à pâlir. Jean regardait les beaux murillos du maréchal. Richelieu frappa sur l'épaule de son neveu en lui disant « Heureusement que vous avez promesse d'un avancement prochain. Mes compliments, duc. Mes bien sincères compliments. Votre adresse, votre habileté dans les négociations égale votre bonheur. Adieu, j'ai affaire. Ne m'oubliez pas dans vos faveurs, mon cher ministre. » D'Aiguillon répondit seulement « Vous, c'est moi, monsieur le maréchal, moi, c'est vous. » Et saluant son oncle, il sortit, gardant la dignité qui lui était naturelle et se sauvant d'une des plus difficiles positions qu'il eût abordée en sa vie, semée de tant de difficultés. « Ce qu'il y a de bon, » se hâta de dire Richelieu, lorsqu'il fut parti, à Jean qui ne savait trop à quoi s'en tenir sur l'échange de politesse du neveu et de l'oncle. « Ce qu'il y a d'admirable dans d'Aiguillon, c'est sa naïveté. Il est homme d'esprit et candide, il sait la cour, et il est honnête comme une jeune fille. Et puis il vous aime, » dit Jean, « comme un mouton. » « Eh, mon Dieu, » dit Jean, « c'est plutôt votre fils que monsieur de Fronsac. »« Ma foi, oui. »« Ma foi, oui, » dit comte. Et Richelieu répondait tout cela en se promenant avec agitation autour de son fauteuil. Il cherchait et ne trouvait pas. « Ah, comtesse, » murmura-t-il, « vous me le paierez. »« Maréchal, » dit Jean avec finesse, « nous allons réaliser à nous quatre ce fameux faisceau de l'Antiquité, vous savez, celui qu'on ne pouvait rompre. À nous quatre, cher monsieur Jean, comment comprenez-vous cela ?»« Ma sœur la puissance, d'Aiguillon l'autorité, vous le conseil, moi la surveillance. » »« Très bien, très bien. » Et de cette façon, qu'on vienne un peu entamer ma sœur. Je défie tout et tous. Par Dieu, fit Richelieu, dont le cerveau bouillait. Qu'on oppose des rivales à présent, s'écria Jean, ivre de ses plans et de ses idées triomphales. Oh, dit Richelieu en se frappant le front. Quoi donc, cher maréchal, que vous prend-il ? Rien, je trouve votre idée de ligue admirable, n'est-ce pas ? Et j'entre avec les pieds et les mains dans votre opinion. Bravo. Est-ce que Tavernet demeure à Trianon avec sa fille ? « Non, il demeure à Paris. »« Elle est très belle, cette fille, cher vicomte. »« Fut-elle belle comme Cléopâtre ou comme ma sœur ? Je ne la crains plus. »« Dès que nous sommes ligués. »« Vous dites que Tavernet demeure à Paris, rue Saint-Honoré, je crois ?»« Je n'ai pas dit rue Saint-Honoré. C'est rue Coquéron qu'il demeure. »« Est-ce que vous avez une idée, par hasard, pour châtier le Tavernet ?»« Je crois que oui, vicomte, je crois que j'ai une idée. »« Vous êtes un homme incomparable. » Je vous quitte et je disparais, pour savoir un peu ce qu'on dit en ville. Adieu donc, vicomte. À propos, vous ne m'avez pas dit le nouveau ministère ? Oh, des oiseaux de passage, Terray, Bertin, je ne sais plus qui, la monnaie de d'Aiguillon, enfin, du vrai ministre ajourné. Qu'il est peut-être indéfiniment, pensa le maréchal, en envoyant à Jean son plus gracieux sourire comme caresse d'adieu. Jean partit, Raveté rentra. Il avait tout entendu et savait à quoi s'en tenir. Tous ses soupçons venaient de se réaliser. Il ne dit pas un mot à son maître, il le connaissait trop bien. Il n'appela même pas de valet de chambre, il le déshabilla lui-même et le conduisit à son lit, dans lequel le vieux maréchal s'enfonça aussitôt, en grelottant la fièvre, après avoir pris une pilule que son secrétaire lui fit avaler. Raveté ferma les rideaux et sortit. L'antichambre était pleine de valets déjà empressés, déjà aux écoutes. Raveté prit le premier valet de chambre par le bras. « Soigne bien, monsieur le maréchal, » dit-il. « Il souffre. Il a eu ce matin une vive contrariété. Il a dû désobéir au roi. »« Désobéir au roi ?» s'écria le valet de chambre épouvanté. « Oui. Sa majesté a envoyé un portefeuille à monseigneur. » Le maréchal a su que cela se faisait par l'entremise de la du Barry et l'a refusé. « Oh, c'est superbe. » Et les Parisiens lui donnent un arc de triomphe. Mais le choc était rude et notre maître est malade. « Soigne-le bien. » Raveté, après ces quelques mots, dont il connaissait d'avance la portée circulative, regagna son cabinet. Un quart d'heure après, tout Versailles connaissait la noble conduite et le patriotisme généreux du maréchal, qui dormait d'un profond sommeil sur la popularité que venait de lui bâtir son secrétaire.